nations, parce qu'ils sont venir Noël. Tous les cadeaux comme des flocons vont nous tomber du ciel. Sous le sapin que l'on a coupé, mettons tous nos souliers. Grand gourou a préparé un gâteau avec du sucre et du miel. Autour de l'arbre de Noël, tout brille et tout est clair. Et la forêt est bien plus belle avec ses mille lumières. Winnie est impatient quand il attend le Père Noël. Dans son assiette, il lui a laissé une grosse part de miel. Autour du monde, les garçons, les filles ont tous les yeux qui brillent. Comme Maître Hibou disait, je voudrais Noël toute l'année. Maître Hibou et Bourriquet, les gourous, Porcinet, Coco, Tigrou. Pour vous et moi, Winnie, c'est bientôt Noël.